dans le dos, face au mur, fouille au corps, du cyanure dans ta coque. Du gros 11 dans le poste, déjà mort, moi le fuck, tu connais le truc. Hardcore comme à l'époque, grosse bastos dans ton huc, fusil à pompe dans le corps. La thune rangée dans les enveloppes, la roue tourne, certaines choses changent. Y'a plus de lové, plus trop d'embrouilles, plus trop de raisons de chercher le Guzman. Plus aucune trace de THC ou d'autres foncés dans mes yeux rénants. Perdu mon chemin, putain, temps, repris la bonne route. Grâce à l'imam, grâce à l'islam, grâce à Dieu, je suis encore là pour réparer mes fautes. Certains n'ont pas eu cette chance, certains sont partis comme tant d'autres. Certains sont partis sans régler leurs dettes, partis en fumée. Mais comme un paquet de neurones à chaque bouffée de cette merde. Comme un sachet percé dans la cuvette, des shots partis en couille comme la plupart de nos potes. La rue, la vie, la fonce et les problèmes, les rêves, la cam, le pognon et les dettes. Le rap, les caisses, les bénéfs, les rodcas. Prends ça en pleine gueule. La rue, la vie, la fonce et les problèmes, les rêves, la cam, le pognon et les dettes. Le rap, les caisses, les bénéfs, les rodcas. Prends ça en pleine gueule. Le monde occident nous la mise et nous la met encore. Nous, on se la met nous-mêmes pour leur moteur, leur chaîne en or. De plus, les enfants d'Afrique se défouraillent sans port d'armes. Pendant qu'au Brésil, les trafiquants lui cravent des organes. Pendant que dans les labos colombiens, les mamas coupent la cam. Pendant que dans les champs dominicains, les enfants coupent la canne. Drôle de monde pour un condamné innocent que l'État canne. Pour sa famille qui paye la bastos qui a traversé son train. Ici, monsieur KR, immigré alias sale nègre. Alors comme ça, chacun aurait dû rester dans son bled, rester enfermé chez soi. En plus, qui a commencé? Quand on a tout, on se moque de la misère, tu sais comment c'est. Et moi le premier, car mes paquettes sont fabriquées par des mômes. Vous les premiers, car vos diamants ont fait des dizaines de morts. En Afrique, encore une fois, on commence à être habitué. Comme ce jeune Irakien qui compte même plus tous ses amis tués. La misère, le tiers-monde, le fouet, les chaînes, le pétrole, les diamants, les matières premières, les guerres, les pillages, le sang, les larmes. Prends ça en pleine gueule. Misère, le tiers-monde, le fouet, les chaînes, le pétrole, les diamants, les matières premières, les guerres, les pillages, le sang, les larmes. Prends ça en pleine gueule. Prends ça en pleine gueule. Prends ça en pleine gueule. Prends ça en pleine gueule.